explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ? Mais croyez-moi que j'ai pu regarder les paysages par le hublot. Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Aujourd'hui, l'album de souvenirs du temps d'un bivouac met les langues à l'honneur. D'abord, nous nous intéresserons aux langues régionales de France et à leur déclin. Il y a un siècle, 1 million de personnes parlaient breton, 10 millions s'exprimaient en occitan, ils n'étaient pas seulement en France. Aujourd'hui, les locuteurs de chacune de ces langues sont beaucoup moins nombreux. Pourquoi et comment faire en sorte que ces langues restent vivantes? C'est ce que nous allons voir avec Alexis Quentin, vice-président de l'Institut des études occitanes et membre du réseau européen pour l'égalité des langues. Également avec nous, Rosen Milin, qui s'est engagée pour la sauvegarde des langues menacées avec l'association Sorosoro. Elle est aussi l'auteur de « Questions d'identité, pourquoi et comment être breton » aux éditions Beau Travail. Puis nous irons dans des contrées beaucoup plus lointaines avec un linguiste de terrain, Nicolas Tournadre. Il nous racontera les expéditions qu'il a menées aux quatre coins du monde pour écouter parler les autres et découvrir de nouvelles consonnes, débusquer les similitudes et les différences entre dialectes voisins. Mais on commence avec un petit tour de France à l'écoute de nos langues régionales. Bonjour, bienvenue à l'écoute de votre édition en langue bretonne en tolag. Ad galom a horf de za c'heleier a yairio gant kuzul sevena durel breiz neus bod et neus kepel c'est une génération qui est l'ancienne génération qui sont ce que nous chiamons les pinceaux qui passent c'est vrai qu'il y a un pilota danza, talea. Es para mi lengua verdadero, justo men, es decir, que el dialecto que se parlo aquí... Se tzvete me ma oxe que gluta me basistas, me remelsos, me ratzvei fema si kishiva, oft freya et en oft valt. Un patchwork de langues régionales que l'on parle en France. Vous avez peut-être reconnu dans l'ordre, il y avait du breton, du corse, du basque, de l'occitan. Et puis pour finir, de l'alsacien. On entend toutes ces sonorités très diverses qui semblent venues de loin. Rosen Milin, vos parents parlaient breton, vous le parlez aussi. Mais eux ne tenaient pas spécialement à ce que vous l'appreniez, ce breton. Ah oui, c'est sûr. Mes parents donc ne parlaient pas un mot de français, comme ils disaient en allant à l'école. Ils ont été forcés de l'apprendre et ils ont toujours considéré, comme toute leur génération, que c'était un obstacle de parler breton. Et bien que parlant un français, enfin ils n'ont pas fait beaucoup d'études ni l'un ni l'autre, bien que parlant un français qui était un peu approximatif parfois, ils insistaient évidemment pour nous parler en français. Ouais. Et quand ma mère m'a appris à parler, elle m'a appris à parler en français, alors que tout le monde autour ne parlait que breton. Ouais. Donc forcément je l'ai appris aussi, puisqu'on ne parlait que ça autour de moi, mais ça a été la guerre et je me suis retrouvée comme toutes mes copines, mes copains de cette génération-là, dans les années 70, même 80, à parler en breton avec... essayer de parler en breton avec mes parents. Je leur parlais un breton qui était évidemment moins beau que le leur, puisque c'était leur langue usuelle, maternelle, qu'ils avaient apprise depuis tout petit. Et eux me répondaient en français, qui n'était pas leur langue. Ah oui, donc c'était un dialogue de sourds. Une discussion à front renversé, chacun dans la langue qu'il maîtrisait le moins. Exactement. Et avec... alors j'en ai parlé beaucoup avec un psychiatre qui s'appelle le professeur Kress, qui a été longtemps le directeur de l'hôpital psychiatrique de Beauharnais en Bretagne, qui a fait des décennies et qui a beaucoup étudié ces questions-là. Et il me disait que lui, il était alsacien d'origine, ça demeurait un grand mystère pour lui, il n'avait toujours pas compris. Comment il s'explique, comment on peut expliquer que le peuple breton, enfin tous les locuteurs de breton, aient abandonné leur langue de façon aussi massive et aussi violente. Mmh. Et ça reste encore un peu mystérieux. Alexis Quentin, vous n'avez pas appris tout de suite l'occitan. Hein. Vous avez vécu à Paris, vous avez oui. grandi à Paris. Comment vous avez découvert cette langue finalement? Eh bien moi, c'est plutôt la langue des vacances. Ouais. Parce que j'allais en vacances dans le Cantal et en Corrèze chez mes grands-parents. Et je me suis rendu compte qu'on parlait une langue autour de moi, je ne savais pas ce que c'était. Et surtout quand on allait voir les arrière-grands-parents, les grandes-tantes dans une petite ferme, ma grand-mère, qui vivait à Paris avec nous, quand elle allait en Auvergne, se mettait à parler patois, elle lisait patois. Et donc ouais. pour moi, c'était une langue mystérieuse. Tout d'un coup, j'ai été baigné dans ce bain linguistique où tout le monde me parlait patois dans cette petite ferme. Avec et j'ai même... découvert l'occitan comme ça. Avec quand même cette impression qu'il s'agissait d'une langue cachée. Vous aviez l'impression que, un peu honteuse, en tout cas, on ne la parlait pas en public, on la parlait dans l'intimité de son chez-soi. Voilà, c'est une langue qu'on n'entendait pas comme ça, finalement. Il fallait demander aux gens qu'on vous parle en occitan ou en patois pour avoir des mots. Donc moi, j'ai essayé de m'informer, finalement. Je faisais du vélo dans les villages avec mes copains. Et puis, tout d'un coup, je me rendais compte que dans les villages, tout le monde parlait occitan. Alors, pour comprendre ce sentiment de honte que vous avez perçu tous les deux, hein, dans vos familles respectives, il faut remonter un petit peu dans l'histoire de France. Au 19e siècle, il y a cette décision pour faire bloc, un peu l'unité nationale. Tout le monde va parler la même langue, le français. Tout à fait. C'est-à-dire déjà dans l'enseignement, vers 1820, 1825, 30, le français est devenu la langue de l'enseignement, mais il n'y avait pas encore l'enseignement généralisé. Et la deuxième couche, eh bien, c'est les lois de Jules Ferry qui donc mettent le français comme langue dans toutes les campagnes. Tout le monde doit apprendre le français. Et je crois que mon arrière-grand-mère était la première génération dans notre famille à apprendre le français. Ouais. Et Rosenmeline, ça va se traduire très concrètement par des méthodes discutables aujourd'hui dans les écoles, cette façon d'interdire aux enfants de parler leur langue maternelle. Oui, ça a été pratiqué dans tout l'Hexagone. En Bretagne, ça a été assez violent quand même dans beaucoup d'écoles, pas partout, mais dans beaucoup d'écoles, qu'elles soient publiques ou catholiques d'ailleurs. Les instituteurs pratiquaient la technique du symbole, la méthode du symbole, c'est-à-dire que le premier enfant qui était surpris à parler breton le matin, on lui mettait autour du cou ou dans la poche un objet qui était un objet dégradant. Donc chez nous, c'était essentiellement un sabot de bois qu'on devait porter. Puis ensuite, on épiait les petits camarades et puis on essayait d'en trouver un autre, et c'était basé sur la délation. Donc, méthode pédagogique formidable. Ouais. Et à la fin de la journée, celui qui avait le symbole était puni. Et donc ça s'est pratiqué également donc en Occitanie, où ça s'appelait le signal. Mais non seulement, alors, puisque une technique qui marche, on l'a fait circuler, on la propage ailleurs, et elle a été aussi pratiquée en Afrique, dans tous ces pays d'Afrique francophone. C'était plutôt qu'un sabot, c'était généralement un os, donc ça pouvait être un crâne, un tibia d'animal, toute chose très engageante. Pour forcer les jeunes Africains à parler le français et pas leur langue maternelle. Alors en Bretagne, ces méthodes qui ne sont pas si anciennes ont laissé des mauvais souvenirs. Le symbole qu'on se transmettait a laissé de mauvais souvenirs à certains. Pour nous, c'était la vache qu'on appelait ça. Ah oui, je l'ai connu à l'école, je le portais tout le temps. Tous les soirs, c'est moi qui l'avais dans les poches. Pourquoi? Pour ne pas punir mes camarades, tout de même. J'étais assez puni comme ça moi-même. Maintenant, je ne punissais pas parce qu'on avait des verbes à faire. Je ne parlerai plus breton, je ne parlerai plus breton, tu ne parleras plus breton. Alors, ça ne finissait pas. Alors, je le gardais et j'avais double punition. Mais suffisait de dire oui en breton, on connaît le symbole tout de suite. Yves Pichon, un breton du Morbihan, hein, qui s'en souvient et a de tristes mémoires de ce symbole qu'on lui transmettait. On a connu ça en Occitanie. Ah oui, aussi. Partout. J'ai pas directement dans ma famille des témoignages, mais j'ai rencontré beaucoup de gens parmi les associations qui ont, en fin de compte, vécu le temps du symbole jusque dans les années 50. Mm-hmm. Mais je crois qu'il y a aussi ce qu'on peut appeler la pression sociale. Je sais qu'en Auvergne, par exemple, quand on était de la campagne, on parlait occitan, et quand on était de la ville, on parlait français. Et quand on réussissait socialement, eh ben, il fallait parler français. Et si on voulait avoir du travail, c'était important de savoir parler français, et ça a aussi motivé beaucoup de gens qui quittaient les campagnes, qui quittaient leur pays pour aller émigrer avec le français en poche. Donc il y a aussi cette exode vers les villes qui est à l'origine de la disparition de ces langues, de cet effondrement. C'est la dernière grande étape, finalement. Ouais. Parce que en un siècle, voire vraiment, les langues régionales se sont effondrées. On a des idées, des chiffres pour s'en rendre compte, Rosenmeline, ne serait-ce qu'en breton. Alors en breton, on était 1 million il y a un siècle. Aujourd'hui, on est moins de 200 000 et la plupart ont plus de 70 ans et la langue n'est plus transmise. Mais je voudrais revenir sur ce qu'on disait là, sur cette histoire de honte, parce que c'est un phénomène qui est quand même très très prégnant en Bretagne comme ailleurs. Et bien sûr, il y avait la pression sociale, mais comment est-ce qu'on peut abandonner sa propre langue? Comment est-ce qu'une mère peut parler à son enfant dans une langue qui n'est pas la sienne? Ça ne s'explique pas comme ça, juste d'un revers de manche. Et moi, dans les enquêtes que je mène, dans le questionnaire donc, que je transmets aux personnes que j'interroge, je leur demande toujours, est-ce que vous avez été marqué par ces pratiques scolaires? Alors, ils me disent tous, non. Puis ensuite, je leur demande, mais est-ce que vous avez transmis la langue à vos enfants? Et là, ils me disent tous, oh ben non. Et alors, bon, troisième question, mais si vous n'avez pas été marqué, si vous n'avez pas eu honte de votre langue, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas transmise à vos enfants? Et là, c'est le grand vide intersidéral. Personne n'a de réponse à apporter à ça. Alors, ils bafouillent parce que c'était pas la mode, parce que. Et un jour, j'en ai un qui m'a dit en breton, mais mon niche est causée de brezounet ganambugale et vichembe diouvech paysan. Ce qui veut dire, si on avait parlé breton à nos enfants, on aurait été deux fois paysan, deux fois des ploucs, c'est-à-dire deux fois stigmatisé. Oui. Donc il y a quand même cette notion de honte. Hein. Mais bien sûr, qu'elle soit exprimée ou pas, mais quand on reste en superficie, ils ne vont pas le dire. Mais quand on creuse un peu, ça ressort tout de suite. Et alors pour les autres langues régionales, parce qu'on l'a compris, vous êtes un peu les représentants de deux d'entre elles, et pas des moindres, le breton et l'occitan, mais il y en a bien d'autres de ces langues régionales en France. Combien de langues régionales en France ? Officiellement, il y en a 75, ouais. Mais entre la métropole et les territoires d'outre-mer. Sinon, si on fait le tour du territoire métropolitain, on peut, au nord, il y a le flamand, hein, qui est autour de Dunkerque, donc le Westwek. Il y a l'alsacien aussi, et le lorrain, le francique, donc ça c'est une langue germanique. Ensuite, à l'ouest, il y a le breton celtique. Au sud, il y a les langues plus latines comme l'occitan, qui représente un tiers du territoire français quand même, avec à peu près un territoire de 15 millions de personnes, mais tout le monde ne parle pas occitan, bien entendu. Il y a le catalan, qui est une langue très très proche, dans le Roussillon et les Pyrénées orientales. Le corse aussi. Le corse, qui est aussi une langue latine. Ouais. Et toutes ces langues sont en déclin, ou est-ce que certaines s'en sortent mieux que d'autres, Rosane Miline ? En France, elles sont toutes en mauvaise posture, et en règle générale, dans tous les pays occidentaux où on parle des langues majoritaires comme le français ou l'anglais, elles sont en perte de vitesse. Enfin, parmi les langues celtiques, il y en a une seule dont on dit qu'elle a des chances de survie au XXIe siècle, parce qu'elle est sur une phase ascendante, c'est le gallois. Mmh. Et donc, par exemple, pour vous donner des chiffres très précis, il y a une trentaine d'années, il y avait 500 000 personnes à parler gallois, 500 000 personnes à parler breton. Aujourd'hui, on est moins de 200 000 à parler breton, et ils sont proches de 600 000 à parler gallois, et ils visent le million pour 2050. On aura l'occasion, évidemment, dans cette émission, de voir, parce que c'est pas le fruit du hasard, c'est aussi le fruit de politique bien réelle, pourquoi certaines langues se développent alors que d'autres sont plutôt en train de se rabougrir. Il y a une de ces langues régionales qui est un peu... une sorte d'énigme. L'ambada, Michel Béessia, au Chartounais, Noé, au Gougre, Rira de Carasten, Ivar Solan, Nche, Blantatu, Landatu, Itu la Bere Maastia, et à Segatik, et Dira Gio Hostik, Pachatuko, Beste Heimbat, Arnoir et Linguruan, Bers, Oligusia, Bilsen, Lucedad, Ilabeteak. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu cette langue. Voilà, il s'exprimait en basque. C'est un conteur qui s'exprimait en basque. Alors, autant pour les autres langues régionales, on a un peu une filiation. On voit à peu près les origines, d'où elles viennent, comment elles se sont transformées. Autant dans le paysage, le basque, c'est un peu une énigme. Pour quelle raison ? Oui, c'est une énigme, et c'est ce qu'on appelle un isolat en termes linguistiques, c'est-à-dire que c'est une langue qui est toute seule. La langue française, toutes les langues d'oc, d'oil, etc., sont des langues latines. La langue bretonne est une langue celtique. L'alsacien, etc., sont des langues germaniques. Tout ça, ça appartient à la très grande famille des langues indo-européennes. Nous sommes donc connectés. Mais avant les indo-européens, avant qu'on arrive dans tout l'ouest de l'Europe, il y avait déjà des populations qui parlaient d'autres langues, forcément. Et parmi celles-là, eh bien, il y avait le basque, dont personne ne sait à quoi la raccrocher aujourd'hui. Alors, il y a eu des supputations. Hein. On a essayé de les raccrocher aux langues finno-ougriennes, c'est-à-dire aux finnois et hongrois, aux langues caucasiennes. Mais en fait, il n'y a rien de très probant. Et pour l'instant, on considère que c'est, oui, un isolat, c'est-à-dire une langue qui est complètement toute seule et affiliée à rien d'autre. Allez, on se retrouve pour parler langue régionale, syntaxe et école dans le temps d'un bivouac sur France Inter. picoton marié, linde, na picoton marié. Na picoton marié, linde, na picoton marié. Na picoton marié, linde, na picoton marié. C'était Olindé de Transcabar sur France Inter, le temps d'un bivouac. On s'intéresse aujourd'hui aux langues régionales. Alexis Quentin, combien de locuteurs parlent l'occitan aujourd'hui ? On pense qu'il y a 500 000, 600 000 personnes actuellement qui parlent vraiment occitan d'une manière traditionnelle tous les jours. Et il y a peut-être 2-3 millions de personnes qui le comprennent, qui l'ont dans l'oreille et qui finalement peuvent partager une conversation, mais qui ne sont pas des locuteurs actifs. Et ça, c'est un peu la différence. C'est une langue qui est intimement liée à la littérature, l'occitan. Ben, c'est une langue qui a une littérature. C'était une des premières littératures issues des langues romanes au Moyen-Âge. À partir du Xe siècle, l'occitan s'est écrit. Les occitans de l'époque ont abandonné le latin petit à petit et ils ont écrit soit pour l'administration, soit pour des poèmes, soit pour... c'est une langue littéraire. Mmh. Et jusqu'au Moyen-Âge, on peut dire. Et ensuite, quand l'Occitanie, l'Aquitaine, le comté de Toulouse sont rentrés dans le giron de la France, eh bien finalement, c'est le rôle littéraire de l'occitan a disparu. Rosenmeline, le breton aussi se chante. D'ailleurs, en Bretagne, qui ne connaît pas les frères Morvan ? Ici, nous sommes dans une maison où on a toujours entendu chanter les chants bretons. On ne connaît rien en musique. On a toujours entendu chanter. J'ai entendu mes frères aînés d'abord, puis les parents avant. On est chanteurs traditionnels si on veut, mais c'est à l'écoute qu'on a appris à chanter. Elle est encore vivante, la culture bretonne liée à cette langue et à ses chants, Rosenmeline. Ah oui, c'est ça en particulier, c'est des chants traditionnels, donc c'est ce qu'on appelle le canadiscan, le chant et le déchant, et c'est les chansons traditionnelles qu'on chante dans nos festounos, dans les fêtes de nuit, où on a encore des centaines, des milliers de gens qui vont danser tous les samedis ou tous les dimanches ou en semaine. Ce sont de grands rassemblements qui ont passé vraiment les décennies, qui ont été remis au goût du jour à différentes périodes, dans les années 70, il y a eu différents revivals, mais c'est toujours là et c'est formidable. Et l'un d'entre eux, donc Henri, me disait nous, en breton, bien entendu, nous on n'est jamais allé chanter, on a chanté partout, mais on n'est jamais allé chanter à l'étranger, hein, jamais on a mis le pied à l'étranger. J'ai dit, ah bon ? Il me dit, ah ben oui, on n'est jamais allé en France. Ah oui, d'accord, ah oui. Ah oui, ils se sentent un peu loin de nous quand même, ces Bretons. Alors, une langue est intimement liée à une culture, elle est aussi liée à une façon de penser, à une manière de voir le monde. Je vous propose d'écouter à ce sujet La Mal Coiffée, une autre artiste qui chante en occitan. Comment on se sert encore aujourd'hui de cette langue ? Enfin, pour moi, vraiment, quand je l'utilise... C'est comme s'il y avait un autre sens aux choses, quoi. Les vieux, il leur reste que quelques expressions, tu vois. Et ces expressions-là, elles peuvent pas sortir en français. Parce que c'est un truc, tu vas t'enganer tout seul, tu vas dire, hey, mais fa caga, quel type, à quel coup des bésiques, ma merde, tu vois. Et ça va sortir, voilà, avec le tellement spontané que c'est cette langue-là qui réapparaît. Et La mal coiffée. Il y a des choses que l'on exprime plus facilement dans une langue que dans une autre, Alexis Quentin ? Oui, du moins différemment. Ouais. Je crois qu'on se comporte autrement. En fin de compte, parler une langue, c'est voyager dans un autre pays. Ouais. Et je pense que les sens sont différents. Si vous allez en Italie, vous vous sentez peut-être un peu autrement. Si vous allez en Occitanie, vous parlez occitan, eh bien finalement, vous vous sentez autrement. Ouais. Et moi, je le ressens parce que je voyage beaucoup entre Paris et l'Auvergne et je ne me sens pas pareil. Ouais. Rosane Méline, dans la langue bretonne, il y a des particularités qui reflètent l'état d'esprit des Bretons. Oui, alors moi, je travaille beaucoup avec des linguistes et c'est vrai que les linguistes ont l'habitude de dire une langue, c'est une vision du monde. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, la phrase est tellement galvaudée ouais. qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc il faut donner des exemples. Il faut donner des exemples. Et par exemple, quand je donne des conférences, c'est un exemple que je donne très souvent, c'est que en breton, comme dans toutes les langues celtiques, apparemment, il n'y a pas de verbe « avoir » à l'origine. Alors, on traduit « avoir » par « être avec » ou « trouver » ou tout est construit avec ce verbe « être » qui est beaucoup plus important que le verbe « avoir » qui n'existe pas à l'origine. Mmh. Et alors, évidemment, cette préposition « gand » avec, elle est présente à toutes les sauces, hein, ce qui donne des tas de bretonismes qui ont été recensés, comme par exemple « oh, il est allé au lit avec le docteur » ou « elle est allée au lit avec le docteur », ce qui ne veut pas dire qu'elle a couché avec le docteur, mais qu'elle est allée au lit parce que le docteur lui a prescrit d'aller au lit. C'est vrai que là, on peut parler de vision du monde ou d'interprétation ouais. du monde. Il y a aussi le genre féminin et masculin. Alors, il y a évidemment en breton un genre féminin et un genre masculin, mais il y a quand même une subtilité. Oui, on a le terme gwaz pour l'homme, mowes pour femme, et l'homme en général, ce que le français désigne par homme, l'être humain, c'est den. C'est-à-dire qu'on a vraiment un terme pour l'être humain en règle générale, sans qu'il s'agisse forcément d'un homme. Oui, on pourrait s'inspirer un peu du breton parfois. Oui, si vous étiez un peu ouvert. Oh bah merci. Alexis Quentin, il y a des expressions, des langues régionales qui passent dans la langue française. On les emploie sans le savoir parfois. Ah oui, c'est très courant, tout à fait. Ouais. Par exemple, dans les villages, quand on parle en français, on calque un peu la grammaire de l'occitan. On peut dire « je suis été » au lieu de dire « j'ai été ». Je suis été ici, un peu comme en italien, sono stato. Et là, on dit « suiesta ». Donc ça, déjà, ça passe souvent dans le français. Ensuite, on va employer des mots pour des objets que personne ne connaît en français. Par exemple, une riz, c'est une barre de fer. Et tout ça se mélange au français dans la vie de tous les jours. Le mot « amour » aussi, vous dites le mot « amour » vient des troubadours, finalement, de la littérature occitane. Et il s'est imposé donc à la cour de France. Et donc, le mot français de Languedoc à l'époque était amer, et c'est la forme occitane qui est restée. Et puis des expressions courantes, surtout dans le sud, ça pègue. Ça pègue, c'est-à-dire que ça colle, tout simplement, c'est ça. Ça vient de l'occitan. Ça vient de l'occitan. Ouais. Je crains des gains. Je crains des gains. Alors, ça, c'est plutôt marseillais, mais finalement l'ont répandu parce que l'OM, finalement, le reprend. Mais c'est une expression, c'est-à-dire personne, des gains, c'est personne en occitan, dans toute l'Occitanie. Et alors, il y a aussi cette langue qui parfois permet de passer des émotions. Émotion plus facilement, ça c'est une belle histoire aussi que vous racontez. Lors de la Première Guerre mondiale, certains des soldats ont envoyé des messages. Oui, alors donc on a fait une conférence, quelqu'un a fait des recherches sur les cartes postales qui étaient envoyées par les poilus chez eux. Et donc ils commençaient de savoir, ils savaient bien parler français, ils avaient été à l'école pendant 20 ans déjà, mais dès qu'ils voulaient parler du cœur, savoir des nouvelles de la famille, et pour un peu aussi passer à travers la censure, et bien ils écrivaient en occitan. Un occitan qui n'avait pas appris à écrire, un occitan qu'ils écrivaient d'une manière phonétique la plupart du temps. Mais quand c'était quelque chose de la famille, que c'était vraiment très très intime, ça passait en occitan et ils abandonnaient le français sur les cartes postales ou sur les petites qui s'envoyaient du front. Vous, Rosane Méline, vous avez appris à le parler, d'abord le breton, puis vous avez tenu à apprendre à l'écrire et à le lire. Et là, on disait en début d'émission que vos parents n'étaient pas très chauds pour que vous appreniez le breton. Quand même, quand vous avez su écrire et lire le breton, votre père a été fier. Ah oui, oui, effectivement, ça je m'en souviens bien, alors qu'il avait toujours un peu fait la tête quand, pour lui, c'était fallait pas, quoi. Il y avait un interdit. Et un jour, il y avait tous les hommes qui étaient là autour de la table, et puis il y en a qui l'ont complimenté parce qu'à l'époque je travaillais à la radio et que donc je parlais en breton à la radio, et donc ils l'ont complimenté. Ah bah dis donc ta fille, et alors tout ça en breton, ah c'est bien. Et puis qu'est-ce qu'elle parle bien breton? Elle parle le même breton que nous. Et puis ah dis donc chapeau ta fille et tout. Et mon père alors effectivement très fier a dit. Et non seulement elle le parle, mais elle l'écrit. Mmh. Et là, tout d'un coup, la langue avait trouvé une valeur à ses yeux, parce que c'était plus la langue du tas de fumier, c'était plus la langue des vaches et des cochons, c'était une langue qui pouvait être écrite, c'était une langue qui avait ses lettres de noblesse. Ouais. Et on passait à un autre calibre, là, du coup. Allez, suite de notre discussion sur les langues régionales, à travers deux exemples, le breton et l'occitan, le temps d'un bivouac sur France Inter. C'était Nick Waterhouse, I Feel an Urge Coming On sur France Inter, le temps d'un bivouac. Ce qu'apporte l'immersion telle qu'elle est pratiquée dans les calendrettes, c'est qu'elle donne à la langue vraiment son rôle normal de langue. C'est une langue qui sert à communiquer, à vivre, à s'exprimer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, qui place les enfants dans des conditions naturelles d'apprentissage d'une langue, qui sont très proches de l'apprentissage de leur langue, de la langue maternelle. Oh, à quoi sera un travail avec des lettres? C'est dur. C'est dur? Est-ce compliqué? Il faudra chercher les lettres pour écrire le mot. Nous avons la chance que l'occitan soit une langue pour laquelle la relation entre ce qui est écrit, la graphie, et ce qui s'entend, hein, les sons, est beaucoup plus régulière qu'en français. Donc en quelque sorte, c'est beaucoup plus rassurant, beaucoup plus sécurisant pour les enfants d'apprendre à lire dans une langue comme l'occitan. C'est pareil pour l'espagnol ou pour l'italien qu'en français. Nous étions dans une calandretta, une école où l'on apprend l'occitan. Je l'ai bien prononcé, Alexis? Oui, tout à fait. Alexis, c'est Quentin. Surtout l'accent, la calandretta, l'accent du midi. La calandretta. Ces écoles sont-elles de plus en plus nombreuses, Alexis Quentin? Oui, elles ont même une crise de croissance, on pourrait dire. Finalement, il y a 5 à 10% ou des fois 20% de croissance dans chaque école chaque année. Je vois la calandretta de Rillac, ils étaient 20 il y a 10 ans. Maintenant, ils sont 3 fois plus. Mmh. Donc, il y a des problèmes de locaux et il y a aussi donc des problèmes de financement. C'est lié à la séparation de l'Église et de l'État. À l'époque, c'était les écoles, je pense, religieuses, qui n'avaient pas le droit d'être financées. Et finalement, ça retombe sur le problème des écoles associatives qui défendent les langues régionales, qui n'ont pas accès à des financements locaux pour pouvoir développer des bâtiments. Et pour développer un réseau d'écoles, il faut des bâtiments. Mais on ne pourrait pas envisager d'apprendre ces langues dans les écoles classiques ? Mais bien sûr, ça existe aussi. Oui. Mais le système n'est pas aussi... dans l'enseignement public, ce n'est pas aussi répandu. Il n'y a pas d'enseignement bilingue aussi répandu que ce soit dans les maternelles. C'est là, parce qu'il y a un manque, en fin de compte, du service public que ces écoles associatives se développent et qu'il y a une demande. Oui. Rosane Miline, des écoles associatives en Bretagne, il y en a aussi. Oui, on a les trois formats. On a les écoles Diwan, donc qui sont des écoles en breton par immersion. Et puis, il y a les écoles bilingues publiques et les écoles bilingues privées qui sont en gros moitié-moitié. Le cas des écoles Diwan est particulièrement intéressant puisque ce sont des écoles qui ont démarré avec 5 ou 6 enfants en 1977. Ça fait tout juste 40 ans. Aujourd'hui, c'est tout un réseau avec des maternelles, des écoles primaires, des écoles, des collèges et un lycée. Il est question d'en construire un deuxième. Et ce sont des résultats formidables puisque le lycée Diwan a été classé meilleur lycée de France, ça fait quelques années, au niveau vraiment français, hein, oui. tout lycée confondu. Donc ce sont des résultats formidables, mais on a d'autres problèmes en Bretagne, en particulier le problème de la formation des instituteurs et des professeurs. Mmh. Et comme la langue ne s'est plus transmise de façon naturelle à un moment donné, il faut former des gens non seulement à l'enseignement, mais aussi à la langue, et ça ne va pas assez vite. Donc on a vraiment un souci de ce côté-là. Alors j'entends quand même que vous êtes presque victime de votre succès, c'est-à-dire que les parents sont en demande pour envoyer leurs enfants dans cette école. On est donc très loin du schéma dont nous parlions en début d'émission avec vos propres parents à vous, qui étaient un peu honteux de leur langue, qui ne voulaient pas vous l'apprendre. Il y a donc un renversement. Il y a eu un renversement de tendance. Après, il faut que la politique suive. Et là, elle ne suit pas. Les financements ne suivent pas. La politique ne suit pas. Et malgré tout, on se retrouve avec aujourd'hui, je crois que c'est 2 ou 3% des enfants en Bretagne qui sont scolarisés en breton ou partiellement en breton, ce qui est insuffisant pour assurer la pérennité de la langue. Mmh. Alors, les Corses, on en parlait tout à l'heure, ont fait un autre choix. Eux, ils ont la langue corse obligatoire dans toutes les classes pendant 3 heures par semaine. C'est pas de l'immersion. Mais au moins, tous les enfants entendent du corse à un moment donné. Mais est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce que, par exemple, le Corse est en train de renaître avec de plus en plus de locuteurs ? Alors ça, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est peut-être un petit peu tôt pour le dire. Mais en tout cas, tous les enfants ont accès à la langue corse. Alors qu'en Bretagne, c'est pas le cas de tous les enfants. Et la très grande majorité des enfants n'a pas du tout accès à la langue bretonne. Et comme la langue bretonne, on l'entend pas dans la rue, naturellement non plus. Malgré tout, il y a une perte de terrain. Oui, c'est-à-dire que ces enfants ont tendance à parler le breton, vous dites, avec un fort accent français, avec des tournures de phrases... française. Donc finalement, c'est un breton un peu hors sol qui parle. Oui, c'est difficile de bien apprendre le breton parce qu'autrefois, on envoyait les jeunes faire des stages à la ferme parce que les agriculteurs parlaient breton. Aujourd'hui, les paysans, ils parlent plus breton. Donc où est-ce qu'on va pour bien apprendre la langue quand avec le bon accent, les bonnes tournures de phrases, les bonnes expressions. Et une bonne syntaxe parce que la syntaxe du breton n'a rien à voir avec la syntaxe du français. Et quand vous apprenez, par exemple, l'anglais, vous allez toujours faire de l'immersion en Angleterre ou aux États-Unis ou que ce soit où ça parle anglais. En breton, c'est très difficile parce qu'il n'y a plus de moyens d'immersion dans une population britophone. Une question, là encore, qui nous arrive par Internet, c'est Rivanon qui vous demande comment comprendre que les Français ne considèrent et ne respectent pas les langues régionales, sans parler des patois et des dialectes, alors que nombreux sont ceux qui s'émeuvent des cultures menacées au Tibet et ailleurs. C'est un état d'esprit. Finalement, on a tous appris à l'école de la République qu'il n'y avait qu'une langue qui était le français. Et il y avait quand même le statut de la langue française en Europe, déjà, qui était une langue littéraire, qui était une langue... était quand même très imposant. Et donc, on est resté dans cette mentalité-là. Sauf que maintenant, les frontières s'ouvrent, et on voyage, et on se rend compte que les cultures ont tendance à s'effacer, et les générations actuelles ont plutôt envie de garder. Donc, il y a vraiment un changement de mentalité qui est en train de s'opérer. My little brother, penitenziagite! Penitenziagite? Ma io non dico penitenziagite. Penitenziagite, je t'ai entendu. Io no, un dolcinito eretico, ma les hommes du penitenzia. I am e mon, sancti benedetti. Maître, quelle langue ce frère parlait-il? Toutes. Et aucune. Extrait du Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano, film dans lequel le moine Salvatore baragouine un mélange fait de très nombreuses langues qu'il a apprises. Rosane Miline, apprendre trop de langues, vous venez de me dire que vous en parlez 5 couramment, plus d'autres plus ou moins anecdotiquement. Quand on en parle autant de langues, est-ce qu'on risque de tout mélanger? Mais bien sûr que non, ça c'est une telle légende. Il faut arrêter de penser que l'esprit humain ne peut maîtriser qu'une seule langue. Au contraire, quand on voyage un peu, moi ça m'a ouvert les yeux de voyager en Afrique, en Asie, on tombe sur des gens qui parlent naturellement 5, 6, 7, 8, 9 langues, qui sont des langues de familles différentes, et ils parlent en plus le français, l'anglais, l'espagnol. C'est formidable, c'est un avantage dans la vie. Il faut arrêter de penser que c'est une langue contre l'autre. Oui. Les langues s'additionnent, elles ne sont pas en opposition. On peut très bien parler, moi je parle breton, je parle français, je parle anglais, je parle espagnol, je parle un peu chinois, j'ai appris l'allemand, enfin je oui. parle gallois, tout va bien, je ne suis pas une handicapée sociale. Et on sait même que pour les enfants, il y a beaucoup d'études qui ont été menées, en particulier par les Canadiens, ça développe leurs facultés cognitives quand ils sont bilingues dès leur plus jeune âge. Alors ne nous privons pas de nos langues. Donc aucune restriction pour les plus jeunes enfants, apprenez-leur le plus de langues possible très tôt, ça ne peut que leur faire du bien. Est-ce que Internet peut faire du bien à ces langues régionales ou au contraire affirmer définitivement la suprématie américaine? Ah, c'est le danger, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais en tout cas les langues régionales occidentales sont très présentes sur Internet, donc on n'a pas loupé le coche de ce côté-là, mais avoir par exemple des émissions de radio ou de télévision sur Internet, c'est pour le moment pas la même chose que d'avoir un poste de radio ou un poste de télé dans lequel il y a des émissions toute la journée. C'est... Rosane Miline, je vous cherche encore un peu, mais on dit parfois c'est aussi une façon d'instaurer la paix. Quand tout le monde parle la même langue, c'est la meilleure façon pour que tout le monde se comprenne. Donc c'est aussi un gage de sérénité et de paix dans le pays, qu'on parle tous le français. Oh, que j'aime cette question. Ça me donne l'occasion d'y répondre. Mais bien sûr, c'est le but. Oui, il y a un linguiste britannique qui a cette phrase, cet exemple formidable que je reprends à mon compte. On dit toujours, enfin, on est tenté de dire effectivement que si tout le monde parlait la même langue, il y aurait la paix, etc. Mais en fait, si vous regardez les très grands conflits du XXe siècle, l'un des plus grands conflits du XXe siècle, qui a été les plus mortels, ça a été le conflit du Rwanda. Eh bien, les Tutsis et les Hutus parlaient la même langue, parce que le Rwanda est un des rares pays d'Afrique où il y a peu de diversité linguistique. Ça ne les a pas empêchés de faire 800 000 morts au moins. Et à côté de ça, à l'autre bout du monde, au Vanuatu, qui est un tout petit pays, où il y a 200 000 personnes, eh bien, le Vanuatu, c'est l'endroit au monde où il y a la plus grande densité linguistique. Il y a une centaine de langues pour 200 000 personnes et on n'entend jamais parler des guerres du Vanuatu. Mmh. Donc la langue n'est pas un facteur de division. Au contraire, ça peut forcer les gens à s'écouter, à se respecter, à être tolérants aussi. Quand dans une famille, tout le monde parle plusieurs langues, et bien peut-être qu'on s'écoute mieux. Voilà, donc c'est aussi un gage d'ouverture, finalement, de savoir parler plusieurs langues. Merci beaucoup, Rosane Miline et Alexis Quentin. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Comment on dit au revoir ? Que na voir hanta. Al reveire. Eh bien, de même. Au revoir. Où vai, où vou nei, o te haa vai a oe. Où vai, mou, où vou nei, o te ai ai a oe. Ooh. matai. C'était Ovaï de Vaitani dans le temps d'un bivouac sur France Inter. La programmation musicale de l'émission est signée Djoubaka. Depuis 30 ans, Nicolas Tournadre parcourt la planète pour écouter parler les autres et étudier leur langue. Il ne se lasse pas de découvrir de nouvelles consonnes, de débusquer les similitudes et les différences entre dialectes voisins. Nicolas Tournadre est linguiste, professeur à l'université d'Aix-Marseille. Il a publié Le Prisme des langues, édité par l'Asiatech. Polyglotte, il connaît à des degrés divers une vingtaine de langues. Rassurez-vous, c'est en français qu'il était venu nous raconter ses aventures et ses découvertes. Je suis avec Mama Stanley qui nous vient de l'île de Hiou, au nord du Vanuatu, île Torres. Je suis en train d'étudier une consonne qui est extrêmement rare apparemment, que je n'ai trouvée dans aucune autre langue du monde et qui est très intrigante. Une sorte de R du fond de la gorge. Bon, et donc, j'essaye d'avoir des enregistrements très précis sur cette consonne. Le linguiste Alexandre François, qui travaille dans votre laboratoire, hein, je crois, et qui découvre là, c'est assez étonnant, on a l'impression qu'il est au cœur d'une langue, comme une sorte de petit reporter. Il découvre assez fasciné une nouvelle consonne et il s'entraîne à essayer de la prononcer. C'est difficile, hein, quand ce sont des consonnes qu'on n'a pas appris tout petit, parfois on ne les entend plus, on a perdu la capacité de les prononcer. Oui, parce que en fait, la capacité à prononcer les consonnes et surtout à les percevoir, elle est maximale jusqu'à l'âge d'un an et quelques. Ouais. Et donc après, effectivement, le filtre phonologique fait qu'on perd de plus en plus la capacité à distinguer les sons. Alors effectivement, lorsqu'il y a des sons très particuliers dans les langues, par exemple dans des langues dans lesquelles je travaille, il y a des prénasales, des sons qui, par exemple, des mts, mkiwa, ou des aspirés, des préaspirés, jta, jta. Là, effectivement, il faut s'entraîner, mais bon, ça s'acquiert quand même au bout d'un certain temps. Alors, c'est ça le travail de linguiste de terrain, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, c'est avant tout d'écouter, puis d'essayer de reproduire. Si on fait du terrain, on va effectivement à la rencontre, on va chercher des données sur le terrain, on va maintenant faire des enregistrements. Ouais. On essaye aussi de se mettre dans la culture, parce que les langues sont imbibées de culture. Ouais. Et donc, il faut pas dissocier langue et culture. Les choses sont évidemment toujours très imbriquées. Et ouais, plus on pénètre la culture, plus c'est aussi facile d'acquérir des données. Ouais. Imbibées de culture, et puis également, ça s'inscrit une langue dans un territoire. Quand on étudie une langue, on voyage à la fois dans l'espace et dans le temps. On s'en rend compte très bien quand on vous lit, Nicolas Tournadre. Oui, alors là, effectivement, les langues, c'est un grand voyage dans l'espace-temps. Alors l'espace, effectivement, ben déjà, si on fait de la linguistique de terrain, il faut se rendre parfois à l'autre bout du monde. Ouais. Hein, donc, et évidemment, quand j'ai commencé il y a 30 ans, c'était pas tout à fait les mêmes expéditions que maintenant. C'est-à-dire qu'on arrivait assez loin et il fallait encore prendre des bus, voyager à dos de cheval, à dos de yak, en ce qui me concerne, etc. Donc c'est ça, on n'imagine pas. Quand on entend le mot linguiste, on imagine un universitaire perdu dans sa bibliothèque, dans ses livres, en train de travailler des langues. En fait, c'est vraiment un métier d'aventurier. Vous avez traversé des grands espaces à dos de yak. Enfin, vraiment, vous êtes un Indiana Jones du langage, en quelque sorte. C'est vrai qu'il y a les linguistes qui font du terrain sont comme ça. Il y a plein de vous citiez mon collègue Alexandre François et tout un tas de collègues du Lacito de mon laboratoire. Ouais. Effectivement, se sont rendus en Asie, en Polynésie, etc. Ils ont fait énormément de terrain. C'est quelque chose, disons, de fondamental. Donc, effectivement, d'être confrontés au terrain. La plupart des langues sont mal documentées, faut le dire, et en plus elles sont menacées. Donc là, il y a une très grande urgence à l'heure actuelle à recueillir des terrains. Mais pour revenir donc à votre question sur l'espace, par exemple, pourquoi les langues c'est un voyage dans l'espace-temps ? Bien, parce que par exemple, lorsque donc dans la partie où j'ai fait énormément de terrain, c'est-à-dire la Haute-Asie, que ce soit au Tibet, que ce soit au Népal, que ce soit au Pakistan, change avec la hauteur, avec l'altitude. Donc on n'a pas les mêmes langues selon l'altitude à laquelle on se trouve. Vous êtes en train de nous dire que des gens qui vivent à 2000 mètres ne parviennent pas à s'entendre avec ceux qui vivent 1000 mètres plus haut dans la montagne ? Souvent, il y a quand même une intercompréhension. Mais ce qui est très frappant pour l'ensemble des terres tibétophones, donc dans les 6 pays de l'air, hein, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, le Népal, le Bhoutan, le Pakistan et un tout petit peu la Haute-Birmanie, il y a une césure, une dichotomie très forte entre des gens qui sont des éleveurs de yaks et des éleveurs de moutons, de chèvres, et puis les agriculteurs. Et on peut être sûr que selon l'activité, ils ne parlent pas les mêmes dialectes. Alors, à l'intérieur d'un même groupe, il va nécessairement y avoir au moins deux dialectes différents. Donc déjà, l'altitude va faire qu'on est, disons, confronté à des réalités différentes. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Tournadre, auteur du Prisme des langues paru à l'Asiatech édition. Là, ce qu'on entend, je vais vous laisser prononcer le nom de la chanteuse, hein. C'est un chant Amedo que vous nous avez envoyé, Nicolas Tournadre. Oui, la chanteuse c'est Ngodrup Dulma. En fait, l'Amedo, c'est c'est au nord-est du Tibet. C'est la province du Dzongun, c'est une province chinoise, ouais. Mais essentiellement tibétophone. Donc ce n'est pas ce qu'on appelle techniquement la région autonome du Tibet, mais c'est une région de culture tibétaine. Et l'Amedo est très très vivant du point de vue à la fois de la culture, du point de vue aussi des intellectuels. Et il y a à la fois une grande tradition musicale, mm-hmm. Et en même temps une modernité, si ouais. Vous voulez. On a plein de chants extrêmement modernes. Ouais. Et c'est aussi par la musique que vous vous êtes intéressé au langage, en tout cas vous y êtes sensible à la musique du langage. Énormément. Effectivement, je suis très mélomane. Je joue d'instruments, de la flûte, de la clarinette, mais je suis très sensible au son depuis très petit. Donc effectivement, lorsqu'on entend une langue, on a tout de suite en fait une symphonie de sons et chaque langue a son rythme, a sa mélodie. Et pour moi, c'est le premier accès. Parfois, on peut être aussi sensible au caractère visuel lorsqu'il y a une écriture. Et je suis aussi sensible ouais. au caractère visuel. Mais c'est vrai que la première clé d'une langue, c'est les sons et c'est percevoir donc ces mélodies, ce chant-là. Mmh. Alors, votre terre de prédilection, votre spécialité, c'est le Tibet et les alentours, hein, cette zone que vous appelez où l'on parle les langues tibétiques. Pourquoi on dit tibétique d'ailleurs plutôt que tibétaine? Parce que quand j'ai commencé, donc il y a une trentaine d'années, on pensait qu'il y avait une langue, grosso modo. En tout cas, la plupart des gens n'imaginaient pas la diversité. Là maintenant, moi-même et les collègues considérons qu'il y a une cinquantaine au moins de langues. C'est un petit peu comme de parler des langues romanes et, n'est-ce pas, du latin et des langues romanes. Ouais. On ne dit pas les langues latines, on ouais. dit les langues romanes de la même façon. On dit German and Germanic languages. Mm-hmm. L'allemand et les langues germaniques. Donc on ne dit pas les langues allemandes pour parler du scandinave, pour parler de l'anglais, pour parler du néerlandais. Donc c'est une famille une beaucoup famille. Plus grande. C'est une famille de langues. Voilà. Donc les langues tibétiques, c'est une famille c'est ça. Qui serait la langue du Tibet, mais en 50 cousines. Voilà, exactement comme le latin a donné les langues romanes, comme le vieux germanique, n'est-ce pas, a donné les langues germaniques dans leur ensemble. Et elles ne se comprennent pas, mm-hmm. plus qu'un roumain ne comprend un français, ouais. pas plus qu'un français ne comprend, à moins d'en avoir fait, l'espagnol. Ouais. Alors comment ça s'explique, cette diversité? Parce que le Tibet, c'est très grand, mais la population n'est pas si dense que ça. C'est pas surpeuplé, le Tibet. Non. Alors pourquoi autant de langues dans un endroit pareil? On a en réalité probablement moins de 7 millions sur l'ensemble de la et zone, oui. Qui fait plus de 4 fois la France. Donc c'est carrément une densité de population extrêmement faible. C'est encore une fois la géographie, hein, toujours les deux grandes explications, géographie et histoire. Le fait qu'il y ait des fleuves, et c'est le château d'eau du monde, hein, c'est pour ça que ça intéresse à la fois les Chinois, bien entendu, mais aussi les Indiens, les Pakistanais, etc. C'est là que naissent tous les grands fleuves d'Asie. c'est-à-dire aussi bien le Jichu qu'on appelle le Yangtze-Kiang, le Huanghe en chinois qu'on appelle Mache en tibétain qui est le fleuve jaune, l'Indus qu'on appelle Sengechu en tibétain, le Gange, n'est-ce pas, Ganga, etc. Donc tous ces fleuves, on ne pouvait pas les traverser autrefois. Il m'est arrivé de traverser dans l'Himalaya des fleuves sur des tyroliennes où on passe sur des canyons au-dessus de 300 à 400 mètres de trous sur un seul câble, n'est-ce pas. Et donc, évidemment, vous n'allez pas au village d'à côté tous les jours parce que c'est long, c'est dangereux, etc. Et s'il y a un col, en général, on peut être certain qu'ils vont parler quelque chose de différent de l'autre côté. Ouais. C'est toujours le cas. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas des contacts quotidiens. Ouais. Alors, vous avez décrit une langue, toujours dans cette région du Tibet. C'était pas exactement au Tibet, d'ailleurs. Je crois que c'était au Bhoutan. C'est une langue qui n'avait jamais été décrite. On va en entendre quelques bribes. Et puis, vous nous direz ce qu'on raconte dans cet extrait. Alors là, on n'aurait pas trouvé dans nos locaux le traducteur pour nous traduire cette langue. C'est quoi là ? Quelle langue on parle ? Alors c'est le Chuchangachaka qui est en fait, c'est un exonyme ici, qui signifie la langue de vous, nous. En réalité, c'est le village de Tsamang, le hameau de Tokari, et c'est situé au Bhoutan oriental. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que c'est une langue qui est tibétique, c'est-à-dire qui vient bien du vieux tibétain, mais qui est totalement isolée dans les jungles du Bhoutan oriental, c'est-à-dire que les premières langues en contact ne sont pas du tout des langues tibétiques. Ah oui. Et la personne que nous enregistrons, qui s'appelle Dorje, est le patriarche, et il racontait l'histoire de sa famille. Et les gens, même les tibétophones de France, par exemple, et la communauté tibétaine de France, et des Bhoutanais qui sont en France également, auront reconnu, même s'ils ne connaissent pas cette langue, ils ont reconnu plusieurs mots. Par exemple, quand il dit « Bhumo Ngangdukte », il avait cinq filles, et on voit que c'est une prononciation très archaïque, mais on peut reconnaître des mots. Mmh. Et au bout, grosso modo, de une semaine, deux semaines, j'arrivais à avoir une toute petite conversation de base dans ce petit village totalement perdu au Bhoutan oriental. Pardon. Comment faites-vous, Nicolas Tournadre, pour... vous arrivez, j'imagine qu'il n'y a pas de traducteur, vous êtes aux prises avec une langue, alors vous avez des notions de langue voisine, mais vous êtes aux prises avec une langue que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais entendue. Comment on fait pour l'assimiler, pour la comprendre et au bout de 15 jours être capable de commencer un début de conversation ? Le fait de, si vous voulez, de connaître à la fois le tibétain classique, c'est-à-dire le latin, si vous voulez, de la Haute-Asie, et puis de connaître plusieurs langues tibétiques modernes qui sont finalement pas très éloignées. C'est un petit peu comme si on n'avait jamais décrit le catalan, si vous voulez, et qu'on connaisse très bien le français, l'espagnol et le provençal. Ça ne présenterait aucune difficulté d'approcher le catalan et en quelques semaines, on arriverait à communiquer facilement, parce que c'est des langues qui sont étroitement apparentées, si vous voulez. Moi, je n'ai jamais appris le catalan, mais je lis le journal Avui sans aucune difficulté. Et bien voilà les conseils de Nicolas Tournadre pour apprendre les langues en toute simplicité. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le prisme des langues, édité par l'Asiatèque. Bon, je dois te laisser, je t'enverrai une carte postale. Merci à Anne-Cécile Perrin qui a réalisé cette émission. Lundi, nous nous offrirons une plongée insolite dans l'océan à la rencontre des étonnantes créatures qui y vivent. Excellent week-end à toutes et à tous et à lundi pour de nouvelles aventures.